Première fréquence. Il y a les premières fois et puis les dernières. Juin dernier, nos émissions pilotes qui nageaient dans l'air d'un été à venir comme des requins mordeurs de nuages. Depuis, nos jours les plus beaux, notre hiver le plus ciel noir. J'ai perdu 10 kilos, j'ai gagné des abonnés Instagram, mais surtout des rêves. Avec Josh, Romain, avec Pauline, Diego, avec Emma à Bourges et partout, avec tous ceux qui nous suivent et qu'on aime, on en a ramené ici un échantillon en studio et l'amour se diffuse comme jamais. Les rues de Nancy, l'hiver, des odeurs de nourriture jolie, des sapins qui draguent les lumières de la nuit. Partout, des rails de chemin de fer, des avions qui surfent sur la mer, le feu, la terre, la ville, les océans de vide et de plein. Des ciels et des œuvres, des mots doux et des grands romans. Première pluie, prenez vos fréquences d'assaut une fois toutes les deux semaines. On était des pirates amateurs parce que la radio est certainement le média le plus libre. La liberté et la spontanéité ont guidé nos mouvements et nos voix pendant cette année. Nos transpirations et nos doigts gelés, et à nouveau nos transpirations, c'était magnifique, c'était un plaisir, c'était un honneur. Vos oreilles étaient nos cœurs, et inversement, cette émission n'est pas une lettre d'adieu, c'est juste une énième lettre d'amour. Il y aura les souvenirs de nos journées d'inaction, il y aura des citations, il y aura des citadelles, il y aura les rois maudits et les mots éternels qu'on dit dans la nuit, et puis rien de tel que l'éternel ennui, les draps relavés de nos amours de dentelle, à croquer de tes dents belles la pluie qui lave et qui habille. Première fréquence. Au sommaire de cette émission, guidée par l'émotion, vous l'avez compris, c'est la dernière de première fréquence. Après 1000 numéros, c'est une émotion immense. On ne nous vire pas. On a décidé d'aller suivre d'autres chemins, dans d'autres villes, dans d'autres cœurs, sur d'autres sentiers, d'autres ailleurs, dans pas d'autres radios. Nous ne vous trompons pas. Nous sommes de fidèles animateurs. Nous arrêtons définitivement. Oui. Nous rasons le crâne en direct. À l'heure actuelle, nous animons cette émission en slip. Comme vous le savez, nous sommes des cramés des fréquences. Au sommaire de cette dernière émission, on va commencer comme d'habitude parce que rien ne change, tout change. Josh, tu vas nous raconter ce qui se passe autour de la Terre. Ouais, en bref. Autour de la Terre, on ira retrouver... on ira retrouver Diego et Pauline qui nous reviennent de La Haye et de Gand. On les retrouve enfin, ça fait plaisir. Bonjour. Romain sera là, comme d'habitude, pour discuter avec nous également. Des gros mots. Pour préparer cette émission, on essaie de se rappeler de ces chroniques et on vous conseille de réécouter l'émission où il y avait les chroniques qui s'appelaient Rasputin. Vous pouvez la retrouver sur Première Pluie, vous le savez. Alors, au sommaire de cette émission, on vous l'a dit, on va vous parler comme jamais. Il n'y aura pas d'interview cette semaine, on va dialoguer avec vous, on va parler beaucoup. Et puis, il y aura de la musique, évidemment. Donc voilà, on va commencer parce que sinon, on va être encore en retard. Première fréquence. Josh, raconte-moi ce que ton œil averti a détecté tout autour du globe. Ok, première info, on part à Paris où il sera interdit de fumer dans 52 parcs de la capitale à partir du 8 juin. 10% des espaces verts de Paris seront interdits à la consommation de cigarettes. Sinon, une amende de 38 euros. Ça sera, si on se connaît sur vous. Si je comprends bien, c'est déjà interdit même, puisqu'on est le 11. Exactement, mais c'est vrai, mais impressionnant, le temps passe à une vitesse. J'arrive plus à m'imaginer. Enfin bref, je suis aussi allé voir en Chine où un panda entièrement brûlant a été photographié par une caméra automatique, ce qui prouve que l'albinisme existe au sein des pandas sauvages de cette région. Voilà. Magnifique. On part en Nouvelle-Zélande où la Nouvelle-Zélande a décidé de créer un budget bien-être, ce qui fait énormément de bien aux nouvelles de ce monde. Un budget donc qui va avec ses objectifs plus de défense, plus de dépenses pour la santé mentale et une meilleure lutte pour la pauvreté infantile. Ouais, on conseille à nos auditeurs de se renseigner un petit peu sur ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Jacinda Ardern est une première ministre absolument formidable. On part ensuite au Colombie, en Colombie, où la ville de Sutarmarchan est connue pour sa bataille de tomates annuelle. Et elle a eu lieu, donc des gens se sont réunis autour d'un grand... tas de tomates et ils arrivent, ils se jettent dans les tomates et ils se les jettent sur eux-mêmes pour être couverts de tomates. C'était dans quelle ville ça? C'était à Sutarmarchan. D'accord, alors je pense que comme on va devoir faire une compilation de nos émissions, on va faire une compilation de tous les noms de villes un peu compliquées que t'as dû dire depuis qu'on a commencé. Celui-là était tranquille. C'était tranquille, redis-le. Sutarmarchan. Ouais, parfait, c'est bien. On continue. Ouais, on va partir en Égypte avec à l'occasion de l'Aïd, donc la fête de la fin du Ramadan chez les musulmans. On a le record de la plus longue table au monde a été battu. 7000 personnes ont rompu le jeûne autour d'une table qui mesurait un peu plus de 3 km de long et qui a donc battu le record précédent détenu par l'Arabie Saoudite avec une table d'un peu plus de 3 km de long et 6000 convives. Magnifique. On enchaîne. On part dans une autre région du monde où on a découvert un oiseau qui peut marcher à quatre pattes. Donc c'est un volatile sud-américain qui ressemble un peu à un faisan, mais qui a un comportement très étonnant, puisque pour grimper aux arbres, il utilise ses pattes arrière et aussi ses griffes pour avoir au total quatre pattes. Et ensuite, il n'utilisera plus ses griffes qui vont disparaître à l'âge adulte. La nature est bien faite. Voilà. Et cet animal s'appelle le poussin, du haut à ça. Ça va, c'était pas très dur. Non, c'est tranquille. On part ensuite dans une radio qui fait pas des merveilles, puisque Radio France veut supprimer entre 270 et 390 postes. Et on soutient pas du tout, et voilà. Mais c'est pas Radio France hein, qui veut supprimer... Radio France. Non, non, c'est... on a demandé des coupes à Radio France, à tout le service public d'ailleurs. Ok, et eh ben super. 60 millions d'euros. C'est voilà, hein, on va pas se faire des ennemis, hein, c'est peut-être nos futurs employés. On fait une émission en direct, c'est pour se compléter, c'est pour ça. Exactement, je t'aime, allez. Donc voilà, ensuite on va. On va parler sport un petit peu, on va mettre un, pourquoi pas un jingle ouverture du score, le rentabiliser une dernière fois. Ouais, je sais pas. Écoutez, cher. Mais si t'es en plein. Hop. Yes. Là, c'est vraiment l'ouverture du score. Yeah. On passe à Roland-Garros, ouais. Le grand tournoi français de tennis, le grand chelem, a eu deux nouveaux vainqueurs, en tout cas un qu'on connaît et une qu'on connaissait moins, qui s'appelle Ashleigh Barty, l'Australienne, qui dans une finale inédite a réussi à gagner en 2-7, 6-1, 6-3 et s'offrir son premier titre du grand chelem, bravo à elle. Et le deuxième gagnant du week-end, ça a été l'incroyable Rafael Nadal, qui a encore une fois été gagné à Roland-Garros pour la 12e fois, et c'est son 18e titre du grand chelem, énorme victoire de l'Espagnol. Impressionnant. On s'y habitue même pas en plus. Non, on ne s'y habitue pas, mais le par niveau contre, était. À mon avis, il y a eu un petit peu plus que deux vainqueurs, peut-être quand même. Il y a, à mon avis, il y a eu des handisports, des doubles. Tu quand même les vainqueurs du double. On peut citer les filles du double. Vas-y. Une française a gagné, voilà. Kristina Mladenovic, avec si je me souviens bien, c'était une polonaise, je crois, sa double. Et ben, on va rester dans le sport féminin, je crois. Ça a été. La grosse actu du moment, c'est la Coupe du Monde féminine qui se passe chez nous et qui a débuté. C'était vendredi soir face à la Corée du Sud au Parc des Princes et la France s'est imposée magnifiquement 4-0 pour très bien commencer sa Coupe du Monde. Et elle jouera demain soir face à la Norvège à 21h, donc rendez-vous sur TF1. Et nous, on sera là pour la regarder, mais t'as un truc à dire à Alain Finkielkraut là, je sais pas. Et ouais, on pourrait parler à Alain Finkielkraut qui a dit sur quelle émission de télé déjà c'est la poubelle là, enfin, c'est voilà, une émission poubelle. C'est News, je sais pas quoi là. Il a exprimé son avis comme quoi il n'avait pas tu envie. Tu peux lui dire de niquer ta mère direct. Voilà. Vas-y, vas-y. Alain Finkielkraut, tu peux aller niquer ta mère. Voilà, c'est tout. Allez. Alain Finkielkraut a dit qu'il ne voulait pas voir des femmes sur un terrain de foot et que c'était pas là où il désirait voir des femmes. Et bien, nous, on pense tout le contraire. On a envie de voir sur un terrain de foot. On lui dit d'aller exprimer ses opinions. Et on n'a plus envie de voir Alain Finkielkraut à la télé. Allez, ciao mon pote. Voilà, au revoir. On voulait voir à l'Académie française les femmes, elles vont prendre ton fauteuil. Merci pour ce passage, voilà. C'était la dernière. Ouais, c'était la dernière. Pour Alain. C'était magnifique. Et pour toi ? Moi aussi. Pour toi aussi, ouais, mais toi c'est moi, pour les bonnes raisons. Voilà. Ah, allez, c'était la fin de l'ouverture du score. On va écouter un morceau extrait du tout dernier projet de Denzel Curry, ça s'appelle Speedboat. I went from sticking pennies in the jar to offshore bank accounts. See, me and my conglomerates is lucrative. I'm talking big money, big chains, big guns, nigga. More power. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Yeah, before you go to war, put the mask on like a luchador. My dog didn't make it till 21, so I gotta make it past 24. Big talk, speedboat. Pray to God I don't get repo. Didn't go to college for a free throw. People getting killed through the peephole. Have your money up before you go to war. Put the mask on like a luchador. My dog didn't make it till 21, so I gotta make it past 24. Put a red beam to your hat like Arby's. Either go to school, go to jail, or the army. Keep a close eye on the things trying to harm me. Warn me if anybody try to swarm me. Invest in a rock and a rock pile up. Pile up, hella stacks when the bills pile up. Dollar is the only way to get the style up. Riled up, cause you motherfuckers use the dial up. My dog is gone, and the result is to hop my Teflon. Christian Dior and the fashion beyond. Talking polo, call me Polo the Don. Throw some D's on the thunk. I got hella keys in a funk. I put hella G's in a funk. It took only three to assault. Damn. Jesus, please deliver us from evil. Please pray over all my people. What you? C'était Speedboat de Denzel Curry, extrait de son dernier projet en date qui s'appelle Zoo. Et maintenant, on accueille en studio Pauline Gover et Diego Zebina qui nous reviennent tous deux de contrées lointaines, éloignées et proches à la fois. De Gand en Belgique pour Diego et de La Haye aux Pays-Bas pour Pauline. Alors, on vous parle souvent d'un drôle d'animal qui s'appelle Première Pluie. Ici, on vous dit d'aller retrouver les articles sur premièrepluie.com. Première Pluie, c'est un média qu'on a fondé tous ensemble. Donc, on est les cinq réunis. C'est la première fois que ça se produit depuis un an. Donc on tenait à les avoir avec nous pour qu'ils nous racontent où ils étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils sont devenus, comment ils ont grandi, ce qui s'est passé. Pourquoi ils n'étaient pas à la radio? Et pourquoi vous n'étiez pas là? Parce que quand même on va vous demander un justificatif et c'est les éditeurs aussi veulent des comptes. Alors Diego, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Alors je suis parti en Belgique pendant une année, donc Erasmus, comme font beaucoup d'étudiants de notre pays et même de l'Europe en général. Et qu'est-ce que j'en ai retenu? Qu'est-ce que ça signifie Erasmus pour toi maintenant? Maintenant? Ouais. Bah, j'ai pas envie de parler forcément en mon nom et de d'étendre ça à tout Erasmus, parce que justement ça serait négatif, parce que moi j'ai pas forcément adoré. Ouais. Ça a pas été la meilleure année du monde, mais c'était plus de côté personnel le problème. Alors que Erasmus, au final, il y avait que du bon autour de moi, il y avait que des gens parfaits qui étaient là juste pour rencontrer, découvrir. Voir le monde, voyager, des gens passionnés de tout, etc. Et beaucoup de choses enrichissantes. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était faire de la radio. Voilà, c'est mon rêve plus que chiner. Et j'ai jamais pu le faire, quoi. Malheureusement, mais attends, voilà, c'est le cas. Et toi, Pauline, qu'est-ce que ça signifie Erasmus pour toi maintenant, après cette année? Bah alors moi, c'est tout l'inverse de Diego, dans le sens où mon année, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que j'étais aux Pays-Bas, on était tous dans le même immeuble... des gens qui venaient de partout, même si... Au-delà de l'Erasmus même, je crois, pour toi, hein, ouais. du monde entier. Ouais, oui, parce qu'Erasmus, c'est que l'Europe, donc voilà, mais il n'y a pas que des gens qui sont en Erasmus, il y a aussi d'autres programmes d'échange. Et c'est vrai que j'ai lié des amitiés avec des gens qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Amérique du Sud, en Asie et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez... En fait, on se rend compte qu'on voit le monde avec... c'est peut-être super cliché de dire ça, mais on voit le monde avec une plus grande échelle, dans le sens où... tous ces temps, même au niveau de l'actualité et tout ça, on a l'impression que comme on a des gens qui sont à côté de nous qui vivent ça au quotidien, on a plus l'impression que c'est concret en fait. Donc c'était vraiment une belle expérience et c'est vrai que, je vais pas dire waouh, je suis citoyenne du monde parce que ça fait super super cliché. Wow. Mais disons que là, déjà l'Europe et le le fait qu'on soit tous un peu pareils dans le monde, ça se concrétise, on va dire. Est-ce qu'on ressent plus fort l'élection de quelqu'un comme Jair Bolsonaro au Brésil à l'automne, quand on côtoie au jour le jour des Brésiliens, des Brésiliennes? Bah, quand on voit la moitié de ses potes pleurer parce qu'en se disant que peut-être qu'ils vont jamais rentrer au Brésil, ou que leurs amis homosexuels, quoi que ce soit, ils sont en danger et tout ça, bah, évidemment que ça fait bizarre, surtout quand on suit du début à la fin et que c'est vrai que les médias français en parlent, mais quand on est à l'intérieur d'un pays, quand on parle avec des gens qui sont à l'intérieur, on se rend beaucoup plus compte de ce qui se passe vraiment. Parce que eux, ils suivent aussi des médias qui sont plus locaux, qui expliquent clairement, concrètement, ok, il se passe ça dans tel pays, dans telle ville et tout ça. Et c'est vrai que ouais, c'est impressionnant, mais c'est comme tout ce qui se passe par rapport même à Trump ou par rapport au Brexit. On est beaucoup plus conscient de ce qui se passe et d'un point de vue plus interne, en fait. Ouais, je voulais qu'on parle du Brexit également, parce que j'imagine que vous avez côtoyé pas mal d'Anglais dans tout ça. C'est des gens qui vont avoir plus de mal à faire des Erasmus maintenant. Pauline, toi, tu as une anecdote sur une collègue à toi qui est retournée manifester, je crois. Ouais, j'ai pas mal d'amis anglais. J'ai quatre très très bons amis anglais, dont une qui est ma coloc, qui s'appelle Jasmine. J'avais envie de dire si tu passes par là, mais elle comprendra pas, donc elle ne passera pas par là. If you... Ouais. Yeah. If you boring. Yeah. Ouais, du coup, il y avait pas mal de manifestations. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas trop parlé non plus en France, mais il y a eu pas mal de manifestations contre le Brexit, tout ça, surtout de beaucoup de jeunes en Angleterre. Et ma coloc, du coup, elle est rentrée en Angleterre pendant son année Erasmus, donc cette année, et elle avait une pancarte avec marqué « J'ai utilisé ma bourse Erasmus pour acheter un billet pour venir manifester en Angleterre contre cette merde. » Elle a vraiment dit « contre cette merde », donc je suis obligée. Et je trouvais ça super beau, quoi. C'est touchant de se dire qu'elle utilise des trucs qui sont européens pour manifester contre un truc, enfin, contre la fin de l'Europe pour eux, quoi. Du coup, ouais, voilà. Ouais. Est-ce que, par exemple, Diego, toi, est-ce que tu as ressenti une jeunesse mobilisée, impliquée, une jeunesse ouverte sur le monde, comme celle dont on parle, Pauline ? Oui, je peux vous le dire. On est allé la voir, la jeunesse, et la jeunesse... est jeune. La jeunesse est jeune. Donc, la jeunesse est belle, la jeunesse veut changer le monde, la jeunesse a des rêves, ouais. Et ce, après nos frontières aussi, également. Bien entendu, genre, c'est vrai que toutes les personnes que tu rencontres dans ce genre de programme sont pas représentatives du monde forcément dans lequel on vit. C'est le monde jeune, le monde étudiant, des gens qui sont souvent huppés, enfin qui sont dans des classes qui sont plus huppées que la moyenne en général des pays dans lesquels ils vivent, parce qu'il faut de l'argent pour partir en Erasmus, parce que en plus en France on a des aides qui sont allouées à n'importe qui selon le salaire. Ça peut être au plus riche comme au plus pauvre. L'État va donner des aides, des bourses chaque mois. Dans les autres pays, ils n'ont pas forcément ça. Genre, le côté aide et le côté bourse, vraiment, c'est un truc fort en France. Et du coup, on va conseiller à tous. Il y a certains pays où tu vois que les gens qui viennent, c'est vraiment des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, parce qu'en fait, les autres n'ont pas la chance de venir. Ouais. Et du coup, c'est des gens aussi qui, du coup, ont fait beaucoup d'études et machin. Et souvent, ces gens-là, en plus de leur jeunesse et de l'éducation qu'ils ont reçue, ils ont des idées progressistes. Et au final, ils pensent la même chose que ce qu'on revendique au fur et à mesure, donc tu peux que t'entendre bien avec ces personnes-là la plupart du temps. On a beaucoup de similitudes entre tu trouveras pas des gens fermés d'esprit, je pense, en Erasmus, ou très peu. Voilà, tu vas trouver un ou deux bêtes, mais il y en a partout des bêtes, genre Alain Finkielkraut. On revient. Okay. Allez, encore. Si vous deviez utiliser un mot pour définir, pour désigner l'année que vous venez de passer, ce serait lequel? Chacun votre tour. Alors Diego commence. Solitude. La solitude. C'est super Ouais, c'est compliqué, mais je pense que c'est aussi intéressant d'en parler parce que c'est une expérience compliquée. On parle loin de chez soi, à l'étranger. Ça correspond pas forcément à tout le monde. Ouais. Je pense que c'est aussi intéressant de dire que tout n'est pas rose non plus. Après, ça dépend aussi. Genre, il y a des choses qui sont très importantes quand tu vas pour un an dans une place ou dans un endroit dans le monde ou quoi. En fait, l'endroit où tu vas habiter, par exemple, va tout changer. Si t'habites, imagine, tu viens pour un an, donc c'est vraiment intense. C'est-à-dire, il faut devenir ami tout de suite. Il faut créer des relations tout de suite, sinon tu te retrouves direct à l'écart. Avec une rotation, etc. Avec une rotation, barrière de la langue. À la fin d'un semestre aussi. Avec des gens qui partent, qui reviennent, etc. Et avec tout ça, en fait, chaque petit élément, chaque choix que tu vas faire, aller aux soirées le premier jour, te dire j'ai pas la flemme d'y aller, ou des choses comme ça, vont tout avoir de l'importance. Et l'endroit où tu habites aussi. Et donc, si je dois conseiller quelque chose à, par exemple, des étudiants qui partiraient en Erasmus ou quoi, c'est dites-vous que quand vous partez 6 mois ou un an, même si vous aimez avoir vos petits conforts, avoir votre petite cuisine à vous ou quoi, essayez de trouver des trucs en colocation, des trucs dans les résidences étudiantes, parce que souvent tu te retrouves avec que des Erasmus, et au final, dans ce genre de vie, ce genre de vie, voilà, de vie un peu entre parenthèses intense, pendant une année, et ben ouais, il faut voir les gens tout le temps, sinon bah tu te retrouves de côté, c'est normal. C'est soit t'es tout seul, soit t'es avec plein de gens, mais il y a pas trop de juste milieu. Et toi, Pauline, tout seul, alors, c'est triste. Si tu étais avec plein de gens, toi, ce serait lequel le mot? Oh purée, je sais pas, je dirais diversité jambon. Déjà, jambon. Je pourrais dire jambon, oui, c'est vrai. C'est le nom de notre groupe d'amis avec les Anglais, parce que c'est un des seuls mots qu'ils savent dire avec fromage, donc c'était notre. Alors que nous, des mots anglais, on sait en dire plein. Ouais, parce que nous, on est. C'est honteux. Mais ouais, c'est. Disons que on vivait dans un seul immeuble tous ensemble, et c'est vrai que j'avais un peu des fois l'impression que c'était comme un petit monde où on était tous des. De cultures différentes et tout ça, on était tous en coloc, il y avait forcément des embrouilles et tout ça, mais c'était, ouais, on était tous un peu soudés et chacun essayait de se comprendre et tout ça, et je pense que, enfin, si le monde était cette petite immeuble, bah, je pense que tout irait mieux, en fait. C'est un peu triste, mais... Diego parlait d'intensité, est-ce que ça conviendrait? Ouais, intensité, évidemment, intensité sur plein de points de vue, même au point de vue de ce qu'on apprend, de l'anglais, même des cours, c'était enrichissant, même si bon, bah, ça reste des cours, c'est quand même c'est intéressant. Et puis c'est vrai que en Erasmus, bon, bah, t'as pas beaucoup de cours, du coup t'as plus de temps de faire plein d'autres trucs, de rencontrer des gens. C'est vrai que ça doit paraître super, pas prétentieux, mais enfin, on doit peut-être passer pour des gros riches à tout le temps voyager et tout, mais en fait, comme on est généralement dans des grandes villes, il y a beaucoup d'opportunités pour voyager vraiment à bas prix, pour étudiants et tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est là, tous les voyages que j'ai fait cette année, je ne pourrais pas les faire l'année prochaine, je le sais. Et du coup, bah, on profite en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est une année qui est hors du temps. Je ne sais pas si Diego, tu peux trop le voir comme ça. Parce que moi, s'il faut dire et comparer à un truc très facile, très simple que tout le monde peut connaître, genre, même si c'est super péjoratif en général, la télé-réalité. La télé-réalité, c'est super péjoratif. Et tous les gens de télé-réalité, si tu les écoutes parler quand ils en sortent ou quoi, ils vont dire « Ouais, mais c'était un monde différent. C'était vraiment intense. C'était tout allait vite, tout allait machin. T'as beaucoup de drama aussi. T'as vraiment un monde qui se crée avec un certain type de personnes, et c'est un monde complètement différent dans lequel t'arrives, avec des codes du coup qui sont différents, etc. » Et ouais, du coup... Je trouve que l'échelle, même l'échelle physique change, dans le sens où t'entends des gens, bon, c'est quand même pas moi ou mes amis les plus proches, mais qui disent « Ouais, ce week-end, je suis pas là, j'ai un anniversaire à Budapest, tu sais, qui sont aux Pays-Bas, ou que... Ouais, là, j'ai un concert à Londres mardi, mais t'inquiète, je reviens mercredi matin. » Ça peut paraître super arrogant et tout comme ça, mais c'est vrai que, ben, je sais pas, t'as l'impression que quand t'es en Erasmus, tout est beaucoup plus simple, tu peux voyager d'un côté à l'autre sans problème, ouais. C'est une réalité qui crée des codes différents, donc tout est en fait différent dans ce monde-là, en fait, ouais. La façon de dépenser ton argent, la façon de sociabiliser, toutes les relations sociales sont différentes, c'est pour ça que je comparais à la télé-réalité, les gens disent que tout va plus vite, c'est pour ça que genre à chaque fois les gens s'embrouillent, etc., ils justifient ça parce que t'es collé avec les gens tout le temps, et du coup... Bah, fast life. Voilà, c'est ça. Donc tout va plus vite, donc les relations se font plus vite, les embrouilles se font plus vite ou quoi. Et ben moi, dans ce monde Erasmus aussi que j'ai vu beaucoup plus des rapprochements entre personnes, des gens ça couche à droite à gauche, après ça fait des dramas, il y a plein d'histoires, plein de bidules. Et au final, tout ça, ça se rapproche de ce qui se passe en télé-réalité. Hein. C'est juste moins filmé. Voilà, c'est ce genre de truc. Ce monde crée une sorte de réalité. Il y a une réalité Erasmus qui est ouais, différente du monde dans lequel on vit tous les jours. Et vous la conseillez tous les deux, cette expérience de la vivre. Ouais, il faut la vivre. Voilà. Oui, oui. Si on peut, il faut. Carrément, la vivre. Et on va conclure maintenant, mais qu'est-ce que vous avez appris chacun sur vous-même dans cette expérience? Bah, qu'il fallait pas que je sois seul. et que voilà, bah, maintenant, j'essayerai plus d'être seul. Et toi, Pauline? Bah, déjà, inviter de râler pour rien en permanence. Parce qu'on se rend même compte, même si, comme Diego a dit, c'est des gens qui sont plutôt aisés, dans un premier temps, c'est... Enfin, peut-être pour toi, mais dans le sens... moi, c'était pas tout en vrai, parce que je sais qu'il y a plein de pays où, justement, l'État paye tout, l'Erasmus, y compris le logement et tout ça. Par exemple, les Anglais, ils ne payent absolument rien, c'est l'État qui paye tout. Donc, c'est pas forcément des gens qui... Enfin, c'est quand même des gens qui viennent d'un milieu assez aisé, mais c'est pas des gens qui sont très riches. Donc, il y en a forcément, hein. Je dis pas le contraire, mais du coup, apprendre à être heureuse avec ce que j'ai. Et c'est vrai que, bah, aussi, cette année, j'avais beaucoup, donc ça m'aide à essayer d'être plus positive et de... Pareil, de pas croire que le monde s'arrête à la France, parce que même si, évidemment, on est ouvert et tout ça, on a quand même toujours l'impression, je me suis rendu compte, je me suis reprise à plusieurs fois à dire « Oh, ça vient de France, ah, c'est français, mais que dalle, il n'y a rien qui est français, enfin, il y a plein de trucs qui sont français, mais à la fois pas du tout. » Tout le monde dit « Ouais, les Français sont super nationalistes, et c'est vraiment un des premiers trucs que disent les Erasmus, mais pas dans un sens péjoratif. » Mais du coup, ouais, à être aussi plus positive et... apprendre aussi à aimer son pays, parce que quand tu vois des fois que, en fait, il y en a qui ont des réalités beaucoup plus dures que nous au quotidien. Genre, ouais, moi, j'avais des amis turcs, j'ai un ami qui avait vu, qui était à 100 mètres, quand il y a eu un gros attentat, je crois que c'était dans une gare à Istanbul. Et voilà, et genre, j'ai vu des vidéos de YouTube où, ouais, tu vois, il y avait des mecs qui jouaient dans un parc, un mec qui joue de la guitare de dos, et derrière, tu vois une explosion énorme. Et lui, il joue de la guitare et je ne rends pas compte, comme ça. Et après, il y a le mec derrière, le mec qui filme, du coup, lui, il est en face, du coup, il voit, et il dit, il se passe un truc là. Et genre, voilà, et ça, on l'a eu à Paris, mais ils l'ont eu à des échelles beaucoup plus énormes. Et ça, on n'en parle jamais. Et avec, du coup, toutes les différences que tu peux avoir entre les différents gouvernements, etc. Tu te dis que t'es bien loti au final, même si eux aussi ils sont souvent assez bien lotis, tout est relatif et franchement critiquer notre pays, critiquer notre pays, ça ne sert à rien parce que la France est belle et le monde est vaste. On va écouter Clara Luciani. On est très heureux de vous retrouver, de vous avoir à nouveau avec nous, d'être à nouveau réunis à 5. On va écouter un petit peu de musique pour se détendre. On va écouter Clara Luciani, c'est nu, extrait d'album, de la réédition d'album Saint-Victoire. Vous êtes sur Première Fréquence 94.2, c'est toujours Première Fréquence, donc là on est à peu près à la demi-heure, il est 20h30, il fait beau, hein, c'est l'été, il fait semi-beau, non il fait semi-beau, il c'était pas une super journée. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, on se demande, ouais. Ça serait bien qu'on puisse dialoguer en fait, mais ouais, mais avec nos auditeurs. Ah c'est bête, la radio ça marche pas comme ça. Bah on espère que vous avez passé une belle journée. Bah oui. C'est déjà ça. Nous oui. On espère que vous mangez bien, on espère que vous êtes confortablement installé pour nous écouter. Oui. Voilà, c'est ce qu'on souhaite là pour le moment. Bon, on va faire un petit tour de table culturel pour voir ce qu'on attend de l'été qui se profile déjà, puisque c'est la dernière jingle. Émission, vous l'avez compris. Donc on a besoin d'un jingle culture. Yes. La littérature, les cultures, les Première fréquence. Vous connaissez le principe, hein, vous avez le droit de vous dandiner, de dodeliner de la tête pendant le jingle de la culture. Alors il s'est passé un événement culturel assez important pour nous tous. Peut-être que ça ne vous a pas touché de la même façon que nous. En tout cas, nous, l'album de Nekfeu... On peut plus. Ça m'a touché. Ouais, on a été touché. On a été touché au moins à 80% autour de cette table. Parce que Pauline... Si, j'aime bien. Ah, c'est juste que j'en peux plus parce que vous l'écoutez tout le temps, mais j'adore quand même, ça n'empêche pas. Mais c'est ça, voilà. Première piste, c'est ça. C'est une colocation permanente, on est tout le temps ensemble. Donc, oui. Quand quelqu'un écoute un album... Les autres le subissent. Quand quelqu'un aime un album, les autres le détestent. Mais première plus, c'est aussi la démocratie. Quand on est 4 sur 5, eh ben, tu vois... Ah non, mais moi j'ai parlé. Je dis juste... Pauline n'aime pas Nekfeu, on déteste. Non, c'est faux. J'aime trop Nekfeu. Mais je dis juste que là, je l'ai bien écouté. Ouais. C'est parce qu'elle a pas vu le film. Ouais, c'est vrai, j'ai pas vu le film. C'est parce que Nekfeu a clashé Pauline. Parce que j'ai pas 12 euros en fait. On peut passer à quelque chose. Voilà, on peut parler du film. Qui était, on va parler du film, oui, bien sûr. Parce que peut-être que la majorité ne l'ont pas vu le film. On va le raconter. Et bah, on peut le raconter, c'était l'histoire du coup de la construction de l'album de Nekfeu quand il part. Donc, je sais plus sur quelle scène il était, mais je crois qu'il était au Bourget, enfin sur une scène du Berger devant 80 000 personnes où il dit qu'il s'est jamais senti aussi seul. Ouais. Un super plan séquence au début du film. Et ensuite, on voit tous ses voyages en Grèce, au Japon, aux États-Unis, à Los Angeles et à la Nouvelle-Orléans et tout ce qu'il va faire, qu'il va réussir à construire son album avec son équipe. Et qu'il va arriver à la fin devant une scène à dire qu'il s'est jamais senti aussi entouré et qu'il a réussi à traverser ses manques d'inspiration et à nous sortir cet album Les Étoiles Vagabondes. À retrouver le bonheur. Qui nous a tous, quasi tous en joué en tout cas. Donc voilà. Toi Romain, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, toi qui connais bien le cinéma? Mon micro. Au début j'avais un peu peur parce que le film il se voit là sur son plan séquence. Je me suis dit, enfin j'avais peur, je le vois faire son petit plan séquence au début du film, tout ça, que ça devienne une démonstration pour être une démonstration en fait. Et que... Que le film au final emmène pas trop large. En plus, il y avait une discussion au début avec Dooms. J'avais peur aussi. Je pensais qu'il allait faire ce film un peu pour parler de certains de ses propos. Donc, il avait un plan, essayer de réconcilier un peu tous ses publics, expliquer à ce public-là pourquoi il fait ça, à ce public-là pourquoi il fait ça. J'avais peur que ça devienne un peu un film un petit peu fait pour ça. Mais au final, il tombe juste. On suit son aventure. On suit le fait voilà qu'il a eu besoin de voyager pour s'inspirer. On suit juste son parcours. Et au final, il n'y a pas trop... même s'il y a ses analyses, il y a ce qu'il dit de l'album, il y a ce qu'il pense de l'album, il parle de ce qu'il veut retranscrire dans cet album, il n'est pas trop dans essayer de réconcilier tous ses publics. Au début, j'avais un petit peu peur de ça. Et au final, en plus, les plans sont vraiment super beaux, ils ne tombent pas trop dans la démonstration, c'est vraiment juste dans l'esthétique pour servir le film. Dès qu'il arrive à un endroit, il filme des plans de l'endroit qui sont super beaux. Il y a quelques trucs qui ont été un petit peu essayés, qui sortent de l'ordinaire, mais sans faire trop. Donc franchement, ouais, grosse réussite et ça donne vraiment une grosse consistance à l'album qui vient après. Et toi, Diego ? Moi, j'ai trouvé ça honnête, divers, que ce soit par les différents plans, ouais, les différentes ambiances, des ambiances de solitude, des monologues qui parlent d'amour, qui parlent des trucs profonds, vraiment de la philosophie quasiment. Ouais. Et à côté, ouais, voilà, tu peux avoir un plan où il va mettre un son, parce qu'on entend quelques parties de son, des bribes de son dans le film. Vu que ça a annoncé l'album. Et ouais, donc tu peux avoir une scène où par exemple ils vont être en studio sur un son un peu banger et ils vont être là tous en train de danser, tu sais qu'ils sont au Japon à Tokyo quoi, donc t'as un peu de tout. Et ouais, ça fait super plaisir, tu rentres dans son univers. Nekfeu, il joue, mais en fait il joue son personnage, donc j'imagine que c'est plus facile à jouer, mais dans tous les cas il joue bien, il a l'air d'être complètement lui, il a l'air naturel, tout marche bien, les gens qui l'entourent, ouais, ça, on les apprécie en plus, de ouais. plus, enfin encore plus, grâce à toutes ces images. Genre, on a un Alpha One qui est super drôle. L'histoire d'Alpha One. Damso aussi fait bien plaisir. Damso qu'on peut voir voilà, pendant une scène en train de travailler avec Nekfeu. Donc ça fait fan à tous les fans service un peu. Ouais, genre. Je sais plus son nom, le Jazzman, ouais, il est vraiment super cool. On voit qu'il est là pendant l'ouragan, je sais plus quel ouragan au States, et qu'il est bloqué là-dessus. Et tout. Enfin, c'est marrant, tu fais ça. Ouais. Non, c'est à l'os, c'est entre la construction et la reconstruction, la construction de l'album et la reconstruction de l'artiste. C'est la musique quasi artisanale, parce qu'on va chercher dans les rues de la Nouvelle-Orléans. On évite les samples. Un mec qui tape sur des seaux, et puis il y a ce grand jazzman. Voilà, c'est la rencontre de plein de gens qui viennent d'univers différents, donc c'est un album de la curiosité. Nous, on prend un plaisir fou à l'écouter, on vous en fera écouter un morceau tout à l'heure. Hein. C'est la moindre des choses. Bon, on va enchaîner parce qu'on va pas faire une émission sur Nekfeu, ça ne nous dérangerait pas trop. Hein. Là, on est, On est à l'échelle de pure fan. Alors, on va vous parler également des événements où on va se retrouver cet été. Alors, nous, on sera au Champs-Élysées Film Festival. Joss, est-ce que tu peux nous en parler plus en amont ? Eh bien, oui, bien sûr. Le Champs-Élysées Film Festival qui se déroulera du 18 juin au 25 juin, c'est ça ? Exactement. Et on y retrouvera donc une démonstration de films, déjà. Alors oui, c'est un festival du film indépendant américain et français. Donc voilà, au départ. Et ensuite, on va y retrouver... Il n'y a pas que des films, alors il y a également des soirées musicales avec plusieurs artistes. Tu peux nous les citer ? Je vais vous citer les noms des artistes quand l'image des artistes arrive. Je t'ai pris au dépourvu, c'est ça ? Je m'ai absolument pas pris au dépourvu, c'est juste que je mets toujours un peu de temps avant de dévoiler les infos, tu vois, le suspense est important. Donc on retrouvera notamment le premier jour, Corinne, puis alors comment tu prononces le nom de ce deuxième groupe ? Corinne, ça sera le premier soir, ça sera donc le mardi 10 juin à 23h à Publicis. Ensuite, Isilde de Besco and Guest, qui seront là le mercredi. Adam Nas, ce sera le jeudi 20 juin à 22h30. On a Hervé le vendredi à 22h30, qui a sorti il n'y a pas longtemps. Un EP qui s'appelait Mélancolie FC, dont on vous a parlé ici dans l'émission d'il y a deux semaines. Petit Fantôme, ce sera le même soir, ce sera à 23h30. Il y aura Irène Drezel, ce sera le samedi 22 juin à 22h30. Claire Laffut, dont on vous a largement parlé ici également. Ce sera le dimanche 23 juin à 17h30. Puis vous retrouverez Songe, dont on a également parlé, décidément, avec des artistes maison, quoi. En soirée clôture, le mardi 25 à 23h. Elle sera accompagnée de Fishback, et ce sera Fishback à minuit 30. Donc voilà un peu pour une présentation diversifiée de ce qui se trouvera au Champs-Élysées Film Festival. Avec une large palette de films, on vous laisse vous renseigner là-dessus. C'est en tout cas le cinéma de demain, c'est le cinéma indépendant, celui qu'on aime, celui qui va chercher tous les sous qu'il faut pour aller faire le cinéma dont il rêve, et c'est donc le cinéma qu'on valide, n'est-ce pas ? Exactement. Et nous, on sera où cet été, alors ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet été ? Qu'est-ce qu'on attend de cet été ? Qu'est-ce qu'il va advenir de cet été ? La matière glaiseuse encore de ces jours qui nous viennent, ces jours moites. Qui va faire quoi ? Romain, tu vas faire quoi cet été, toi ? Dans un premier temps, je vais gagner ma vie, je vais faire des crêpes. Voilà, c'est une belle façon de gagner sa vie. Ça, c'est notre meilleur homme, hein. Du coup, on va améliorer la technique et d'ici 5 ans, on est au Costa Rica avec Arthur, peut-être, pour les crêperies, on verra. On y sera tous, je venez, pense. Venez acheter nos crêpes. Non, mais c'est notre homme le plus rentable, hein, Romain. Clairement, cet été, il va être énormément rentable. Ouais, très rentable. On compte beaucoup sur lui. Je vais ramener plein d'argent. C'est notre temps, on commence le projet. On va peut-être tenter une tournée. Puis d'ici l'été, moi personnellement, c'est de reprendre les articles. Je voudrais bien faire quelques articles un petit peu sociétaux, un petit peu d'investigation sur le lobbying, on verra, je pense qu'on va... Parle-nous des thèmes que tu aimerais bien aborder, parce que je sais que tu travailles sur beaucoup de choses en même temps. Voilà, essaie de voir un petit peu, dis-nous en plus, le lobbying c'est un thème qui te tient à cœur par exemple. Il y a pas longtemps, j'ai créé un article sur la 5G où je dénonce un peu... Vous pouvez le retrouver en ligne sur Point Plus. Un petit peu la dérive de cette pratique et le fait qu'elle va arriver en France d'ici 2 à 3 ans, c'est quelque chose d'assez peu sensé. Du coup, j'aimerais bien écrire d'autres articles qui alarment un peu sur des sujets du genre et montrer en quoi le lobbying, vraiment, ça pourrait... vraiment, en quoi le lobbying est implanté dans nos pays, et implanté en Europe, à la Commission directement, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte, donc vraiment peut-être un gros dossier sur le lobbying avec des cas, quoi, des cas à part, avec Monsanto, tout ça, des études de cas, et j'aimerais bien faire ça pour cet été. Pour vous apprendre des choses. Et quelques nouvelles aussi. Et des nouvelles, on veut lire tes nouvelles, je pense que les auditeurs aussi connaissent tes nouvelles, et en tout cas, ils t'ont découvert cette année à la radio, ils ont vu de quoi tu étais capable, la curiosité de ce que tu as proposé entre des horoscopes. Il y a pas mal de formats. Il y a eu beaucoup de formats différents. Il y a eu un enlèvement par des dinosaures, je me souviens quand même. Donc, Ils ont mangé ça. C'était quand même pas mal du tout. Ils t'avaient mangé, il me semble. Je suis encore là, ils m'ont pas vu. Mais voilà, du coup, s'il y a beaucoup d'étoiles, peut-être un ou deux articles sur les étoiles, si elles sont jolies, comme à l'ancienne, comme au début. Puis voilà, on verra. Tu vas peut-être se la jouer Nekfeu et faire un film. On va peut-être se la jouer Nekfeu et faire un film aussi, ouais. On l'annonce comme ça. On aurait dû le faire pendant le live hier, quand même. Quel beau live hier. Annoncer le film. Est-ce qu'on peut vraiment annoncer des choses en direct comme ça ? Qui sont pas du tout sûres, quoi. Nos auditeurs, on leur parle, on est avec eux, là. Je sais pas si vous êtes dans une chambre ou autour d'une table, on est avec vous. Non, mais on se parle. Tu vois, genre là, on est dans un sentiment plus intime avec cette émission, moi, je trouve. Dans un live, annoncer une grosse annonce comme ça, je trouvais ça peut-être un peu. On aurait peut-être fait un peu de trop, quoi. T'es en train de me dire qu'on l'a gardé pour la radio. Ouais, exactement. Je crois que oui. Je trouve ça beaucoup mieux de garder pour ici. On sait qu'on est entre nous, là. Et Diego, qu'est-ce que va faire Diego cet été? Est-ce qu'il va prendre des photos? Quelle question! Que Diego va prendre des photos. Diego va prendre des photos. Diego prendra des photos quand il se réveillera et que le soleil sera déjà haut et qu'il fera un peu trop chaud. Et que du coup, ses amis seront encore endormis autour de lui, complètement nus. Car quand il fait chaud, on dort nu. Et que le corps nu d'un homme et le corps nu d'une femme sont des choses magnifiques. Ensuite, Diego prendra des photos le midi pendant les salades d'été. Il prendra des photos de culinaires, bien entendu. Des petites tomates salades, rouges, des salades vertes. Les plus variées possibles, les plus colorées. Bien entendu, mettez du poivron dans vos salades, c'est très joli pour les photographes. Ouais. Merci. Ensuite, l'après-midi, que fera Diego l'après-midi? Diego ira sûrement au lac. Il ira d'une berge à l'autre, premièrement, avec Arthur. Ouais. Et puis la deuxième fois, il prendra Arthur qui fait le deuxième aller-retour. Parce que voilà. Et puis ils essayeront de suivre Josh, parce que Josh à chaque fois. Mais Josh nage très vite. Josh, c'est un bateau à moteur. Une fois, j'ai nagé dans un lac. Vas-y, raconte. C'était au lac de Charmes, si je me souviens bien. C'est ça. Et on devait partir. Ce qui se passe dans les lacs, c'est qu'il y a une longueur et une largeur. Donc la largeur, c'est beaucoup plus simple. C'est ça qui est intéressant avec les lacs. D'aller faire, d'aller faire la largeur complètement. Et moi, je suis pas un très grand nageur de base, mais j'étais accompagné de deux très grands nageurs qui sont ici, Arthur et Diego. Et on s'est décidé à partir jusqu'à l'autre rive. Et donc moi, j'ai commencé à nager tranquillement pour me faire une petite nage, quoi, une petite trempette. Et il y a un moment où je suis devenu un surhomme et où j'ai vu un objectif de l'autre côté de la rive et où je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter maintenant. Il faut que j'y aille, j'ai démultiplié mes forces. Et je suis arrivé dans un crawl intense, à des kilomètres heure jamais atteints par un nageur, je pense. On n'a jamais pu le rattraper. Alors et ils n'ont jamais pu me rattraper. À un moment, j'ai cru que j'allais flancher et j'ai vu ma tête partir sous l'eau. Mais je me suis relevé encore une fois. Est-ce que tu as connu la peur dans cette traversée? Peut-être, mais en tout cas, c'était la plus grosse expérience sportive. Vraiment, moi, j'ai mangé un sac plastique ce jour-là, alors... Ah, c'était pas terrible. L'eau était polluée, c'était sûrement pour ça. Voilà, ça donc on n'oublie pas de dire que ne jetez pas de choses sur les plages cet été. Ne jetez pas de choses sur les plages des lacs non plus, ça compte comme des plages. Ne jetez jamais rien. Mais ne jetez jamais rien, d'ailleurs. Enfin, gardez tout chez vous. Ce qu'il y a très bien dans ce monde, c'est qu'il y a des gens qui ont installé des poubelles dans des endroits, des villes. On pense à Eugène Poubelle. Mais c'est quand même pas très compliqué d'aller trouver des poubelles. Et donc, Romain, sur le chemin, me disait qu'il n'y en avait pas assez dans la ville de Nancy. Si on a un conseil à donner à Laurent Hénard, on sait qu'il nous écoute. Rajoute des poubelles. Puisqu'il vient de signer une tribune pour se rapprocher d'un certain Mano. S'il nous écoute... Il a signé l'enfant. S'il peut mettre plus de poubelles, ça nous arrange. Ouais, mais des poubelles, frère. Attends, vraiment, c'est le prochain. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Un petit peu trop, non? Tu crois pas? Non, mais c'est. Non, moi, on voulait pas en jeter comme tout à l'heure. Oui. Est-ce que t'as fini ton programme de l'été? Après le midi, qu'est-ce qui se passe? Après le lac? Le Tour de France? Après bien entendu. Tu passes aussi le Tour de France? Bien. Alors, moi, je ne serai pas sur les routes du Tour pour prendre les cyclistes en photo. Ouais. Parce qu'ils vont vachement trop vite pour moi. Plus vite que Josh. Clairement. Et j'arrêterai de prendre des photos pendant le Tour de France. C'est la pause, c'est tout. C'est après la natation, le cyclisme. Ouais. Et ensuite, je sais pas, on regardera les événements sportifs, on regardera les événements culturels, les différents festivals. Bien entendu, festivals seraient bien. La France aurait été bien inspirée de créer festivals avant que je fasse l'erreur. mais bref, donc festival à travers la France et peut-être même. Peut-être en Belgique, si le vent nous y amène. On va se balader. Et voilà, si possible, aller interviewer les artistes, aller voir le monde s'aimer, parce que c'est là-bas que le monde s'aime le plus. Donc on conseille à nos auditeurs, à nos auditrices d'être à l'écoute cet été, parce qu'on va certainement pas chômer. Pauline, où seras-tu, toi, cet été? Alors moi, après les Pays-Bas et Nancy, je rentre dans mon petit sud, à Avignon, et... Pendant tous les mois de juillet, il y a le Festival d'Avignon. Donc j'espère quand même que tout le monde connaît à peu près le Festival d'Avignon, mais je peux quand même réexpliquer un petit peu. C'est le plus grand festival de théâtre du monde, je crois, il me semble bien. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles qui s'y trouvent. Et c'est vrai que cette année, on s'est dit que ce serait bien aussi d'un petit peu plus se focaliser sur ça. On a beaucoup d'artistes musicaux. Qu'on interview, dont on parle à chaque fois. Et c'est vrai que plus se pencher sur la scène théâtrale, comédienne, voire humoriste, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est des gens qui sont aussi très abordables, très simples, et donc on va aller faire un petit tour par là-bas, des petites interviews peut-être, des petits reportages, et ça va donner un nouveau regard un petit peu et une nouvelle âme à première pluie. Ouais, bien sûr, on va se renouveler de toute façon, maintenant qu'on est tous à nouveau... En France, voilà, vous avez un petit peu le ton de l'été pour Première Pluie, puisque nous sommes Première Pluie, nous sommes Première Fréquence, nous allons écouter un petit peu de musique après avoir prévu comme ça, planifié devant vous ce que nous allions faire pendant cet été. On va écouter, qu'est-ce qu'on pourrait écouter, tiens, Civil War. Allez, Romain. Non, c'est Menteur Menteur. Ah, on va écouter Menteur Menteur de Nekfeu, tiens. Ah, ouais, allez, c'est bim. Menteur Menteur, Nekfeu, issu de l'album Les Oiseaux Vagabonds. Pas carré comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur lenteur. Première contre-attaque, je marque comme Landers Landers. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter Hunter. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur lenteur. Bébé, j'suis dans le bis bis dans Lander Lander. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter Hunter. Comme Hotsen, Ken pour le prénom, feu pour le nom de scène. Double démon comme les Olsen. Fumée sort de moi comme Onsen. J'ai rêvé que tu parlais mal, c'était chelou comme un lu. On m'avait dit que tu parlais mal, mais t'es sucré comme un lu. Côté secret comme la lune, personne marche sur moi comme la lune. Yeah, raconte pas ta vie, je vais briser ton cœur comme un lu. Yeah, occupe-toi de tes péchés, F, T, G, B, T, R. Si t'es homophobe, c'est que tu juges force à mes LGBT, R. Et j'étais bien embêté hier. Je côtoie des top modèles, yeah. Mais devant elle j'ai bugué, yeah. De devant elle j'ai bugué, yeah. Elle est crème comme Nivea, facile comme niveau 1. Quand c'est fini, elle est facile comme, elle est facile comme les pas en com. Doucement, doucement, ok t'es douce mais doucement. Ça fait moins de deux semaines qu'on se connaît, faut mieux faire doucement dans ce monde. Tu m'as pris pour un cum, Sylpha, tu me feras pas croire que c'est le vin. Ouais t'es stone comme Silver, la frappe vient du riff comme Sylvain. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur, lenteur. Première contre-attaque, je marque comme Landers, Landers. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter, Hunter. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur, lenteur. Bébé, je suis dans le bis, bis dans Lander, Lander. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter, Hunter. Mon avis sur ta mixtape, XD, t'es pas de mon level, je vais te soulever juste pour les XP. Je vais me refaire comme RR, j'ai un monstre en moi comme RM. Appuie-toi sur moi si tu veux tracer, je suis comme R1. On stop, j'augmente mon stuff et mes stats, change de stuff, j'appelle mon staff depuis le skid et je pars en scud, les voir au stade, dans la poche Jessica comme Simpson, tous les jours sur le divan comme Simpson. Je suis né OG comme Simpson, ils m'ont mal jugé comme Simpson. Je veux les faire souffrir comme les meufs que j'aimais. Je veux les voir s'ouvrir comme les brottes dans le Gmail. Bébé, tu me fous le sème comme les transports. Tu me fous le sème comme un gros spoil. Je suis au sport, tu veux qu'on se pète. T'auras 11 spots sur ton hotspot, c'est le L1. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur lenteur. Première contre-attaque, je marque comme Landers Landers. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter Hunter. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur 10 au cas, ils choisissent lenteur lenteur. Bébé, je suis dans le bis bis dans Lander Lander. J'ai le sourire 10 au cas dans Hunter Hunter. Bébé, je suis dans le bis bis dans Lander Lander. On exporte le bis bis à London London. Redistribue le bif bif que l'on me donne l'on me donne. Tu me connais, moi je suis peace peace, mais loin de loin de. C'était Nekfeu avec Menteur Menteur, issu de son album paru vendredi dernier qui sort ce vendredi en physique. Ça s'appelle Les Étoiles Vagabondes. Et puis voilà, on est bien, on est entre nous, on est sur Première Fréquence, 94.2 sur Fadjet. Nous sommes Première Pluie, nous sommes tous les cinq. Il y a Diego Zebina, Pauline Gower, Joshua Thomasin, Romain Bouvier et moi-même. Arthur Guillaume. Alors, et vraiment, on est beaucoup en studio aujourd'hui. Si vous voyez un petit peu à quoi ressemble la planète rap sur Skyrock, c'est un petit peu ce format. Yo. Enfin, peut-être des freestyles. Marianne, un freestyle ? Marianne, un freestyle peut-être ? Yo, le rap. Ouais. Ah. Super. Voilà. Wow, on s'en serait passé. Clair, on va engager les meilleurs. On a c'est la première édition de notre. Bon, c'est la première émission de notre dernière émission. Oui. Bon, on va commencer tout doucement parce que ça va être très douloureux. Donc, on va commencer d'ores et déjà à se dire au revoir parce que c'est la dernière émission. On va encore le rappeler une fois. Ah, mais attends, toi et moi, ça fait un... il y a un truc qu'on dit à toutes les émissions, donc on se disait à chaque fois. Ouais, mais tu peux le dire. Ok, alors fais attention, il est bientôt 21h et les heures avant minuit comptent triple, donc profitez-en. Vous avez le temps de dormir. Voilà. Vous avez le temps de dormir 9h avant qu'il soit minuit, vous pouvez vous réveiller et pas regarder basket cette nuit. Non, c'est quoi le prochain match? Le basket, c'était hier soir. Le prochain match, c'est, si ma mémoire est bonne, vendredi soir. Ok. Game 6, puisque Toronto n'a pas réussi à gagner le titre hier. Voilà, pour les infos. Merci. Ça fait un an que j'essaie de le prendre par surprise et il a toujours les meilleures infos. Il est toujours incollable. Bon, on a un peu prévu ce qui allait se passer pendant l'été. Après l'été, il y aura la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Josh, c'est quoi la vie pour toi? Moi, c'est garder le fief en C1 de première pluie, puisque on rappelle, bah, on est de là. Un peu ouais. tous regroupés ici. Par le hasard du destin, et maintenant le hasard du destin fait que aussi les gens partent, et il faut bien un homme pour garder la maison. Et voilà, c'est aujourd'hui que j'assume ce rôle. Terrible, pas un homme pour garder la maison. Non, mais un homme, ah, bien sûr que un homme avec un grand H, pas un homme. C'est encore mieux de dire une femme pour garder la maison. Mais le fait de garder la maison, ça fait super. Non, mais il faut un être humain pour garder la maison. Et j'ai décidé d'être cet être humain. Et voilà, c'est moi qui resterai à Nancy pour aller fief. Donc voilà. On a tous confiance en toi. Alors, Romain, tu seras où toi l'année prochaine? L'année prochaine à Lyon avec Diego, nouvelle coloc. Ça change pas. Ville. Et la vie pour moi l'année prochaine, envoyer des lettres à Josh qui sont pas trop seul quand même. Bien sûr. Voilà, on laisse tout seul et tout. Puis ben, merci. Moi je suis Diego dans tout ce qu'il fait de toute façon comme d'hab. Hein. C'est beau. Diego. Ouais. Alors c'est Diego qui va parler pour toi. Moi j'allais dire ouais bah je. Je suis Romain. Je suis Romain dans tout ce qu'il fait et voilà. Et donc allons à Lyon voir. Ce que nous donnent les grandes villes, ouais. Sans vouloir être trop mégalomane et aller à Paris, disons. Ou New York. Est-ce que c'est une transition pour moi ou... Oui, voilà. Peut-être. Hein. D'accord, super. Mégalo-girl. Mégalo-girl. N'importe quoi. C'est pas du tout ça. Hein. Man en français, ça veut pas dire ça. Mais je sais. Ouais, mais non, mais non. Mégalo-girl. Bon, je suis mégalo-girl, du coup, il paraît. Mais c'est pas grave. I'm boring. Alors, si vous voulez savoir pourquoi on dit I'm boring, pourquoi je dis I'm boring, c'est à peu près le seul mot que je connais dans cette langue qui vient de l'autre côté. Puis en plus, ça veut rien dire, on peut de dire. De cet Atlantique qu'est la Manche. Je déteste les Anglais au rugby, à mon avis, comme vous tous. Moi aussi, je les déteste. Voilà. Heureusement, l'équipe de France féminine au rugby a réussi à vaincre les Anglais, mais c'est pas le cas des garçons. Ça crée des tensions avec Diego, on est très remonté contre nos voisins britanniques. Pauline, on reprend. Paris. Paris, l'année prochaine, pour combien de temps? Je ne sais pas. Marianne aussi va à Paris. Ah, mais oui. On sera une petite population aussi parisienne, très féminine. Une diaspora, ouais. Très féminine. Paris est une fête. Paris est une fête tout le temps. Mais c'est... Non, c'est une fête aussi. Ah. Mais c'est aussi, je pense, un autre beau départ pour Première Pluie. Ça nous permettra d'être aussi à la capitale. Et puis, de toute façon, TGV Max. Ouais. Sera sûrement présent chez les garçons. Aucune pub à TGV Max, ni à la SNCF, malgré qu'on soutienne les cheminots. Okay, si d'accord. Tu nous entends, SNCF, je sais pas qui tu es. Mais, hein. Du coup, master de journalisme à Paris, on verra ce que ça donne. C'est chic. Mais au moins. C'est chic. Ah, c'est chic. C'est ça, fancy, même. Ça claque, voilà. Comme ça, on dirait. Ah, c'est chic. Ah, c'est notre cas, mais au moins, ça nous fait une présence française, pour une fois. Un peu plus française qu'internationale de cette année. Oui. Mais bon, Paris, c'est assez cosmopolite aussi, donc c'est pas mal. Après avoir subi des défaites à Waterloo, nous revenons. Et toi, Arthur? Moi? Bah oui. Ouais. Bah dis-moi. Ah, non, bah, attendez, moi je suis juste celui qui présente. On n'a jamais dit mon nom, tu révèles mon identité comme ça. C'est quand même terrible. Bon alors, si on veut récapituler pour les tueurs à gages, vous ne trouverez pas Arthur? Non. Ah, je peux donner mon ancienne adresse, j'habite au 63 avenue Foch cette année à Nancy. J'habite encore un petit peu. Donc vous pouvez aller dans son ancien appart si vous voulez. Mais vous m'aiderez juste à déménager. Et si vous voulez trouver Josh, c'est à Nancy. Si vous voulez trouver Romain et Diego, c'est à Lyon. Et si vous voulez trouver Pauline, c'est au milieu de Paris. On a bien récapitulé. Et si vous voulez trouver Arthur, ce sera sûrement à Dijon. Ça sera à Dijon. On peut vous donner un indice, après débrouillez-vous. La moutarde. J'ai été transféré. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fera? Oui, c'est vrai que là, on a. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos auditeurs, à nos auditrices? Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Ouais, si vous voulez nous écrire des lettres. Où est-ce qu'on pourrait nous écrire des lettres? Tiens, si nos auditeurs ont envie de communiquer à Langres. À Langres, où est-ce qu'ils pourraient nous écrire? Tiens. Pas, moi, je peux donner une adresse. Non, je vais donner la mienne. Alors, si vous voulez nous écrire, écrivez-nous au 7 rue Ernest Petit à Dijon 21000. 7 rue Ernest Petit, Dijon 21000. Voilà. Alors, je donne une adresse comme ça. Ou au 54 rue de la Commanderie. Non, c'est juste ça. Non. Si vous savez qui va prendre, louer le 54 rue de la Commanderie au 4ème étage. Ah oui, vous les connaissez ? Non, on les connaît. On annule. On annule. Ouais, non, on n'a pas besoin. Bon, qu'est-ce qu'on fera ? On fera des articles, on écrira des nouvelles, on va publier des trucs, on va interroger des gens. On continuera, on fera plus de radio sur Fadjet. C'est pour ça que c'est un au revoir déjà. Mais suivez-nous. Bien. Mais sinon, on fera. Ce qu'on vous dire là depuis le début de cette émission, c'est que vous pouvez nous suivre ailleurs. On a envie d'être vos amis, on n'a pas envie de vous perdre. On est en train de griffer les murs du studio pour continuer encore de rester avec vous. On va faire limite du temps en plus. Ouais, on nous dit 5 minutes, mais on aurait bien 5 heures là, de direct, on pourrait le faire. Flinguer ce régisseur. Suivez-nous sur poirepluie.com. Ouais, ou sur Première Pluie Instagram, Première Pluie Twitter, Première Pluie Facebook. Voilà. C'est assez. Communication. Ouais. Mais c'est important. Parce que de base, on vient pas de la radio. La radio, c'est une petite partie de ce qu'on fait. Ouais. Et donc voilà. Mais vous êtes première une grande partie de nous-mêmes. C'est beau. Voilà. Je pense qu'on peut se dire au revoir sur ça. On a vécu une année de nous à la radio où on a fait beaucoup de radio avec Romain et Josh. On a vécu une année quand même assez particulière. On a vécu pas mal d'expériences. Je sais pas, toi par exemple, on s'est appelé une fois, on a fait l'émission au téléphone, tu te souviens ? Ouais, entouré de stagiaires et tout, et non, c'était, ah ouais, c'était souvent le bordel. Ah, l'émission de stagiaires. Niveau régie aussi, au début, j'ai vraiment galéré, j'étais super nul, je sais pas comment j'allais faire tout ça, mais au final... Et maintenant, tu t'en sors comme un chef, on a des jingles magnifiques. C'est quoi ton souvenir le plus fou, Romain, à la radio, toi, cette année ? C'est peut-être ça. Première fréquence, première fréquence. Alors... Nos plus fidèles auditeurs. Ce jingle, j'avais envie. Et nos plus fidèles auditeurs, c'est si bien vous aussi, vous détestez ce jingle. Allez, follow Première Pluie sur Instagram. Alors, il se trouve qu'on était une des premières émissions, ou la première, je crois, on avait besoin d'un jingle, et puis ben, on l'enregistrait. J'enregistrais dans les couloirs de ma classe, le matin, en même, deux secondes, avec. Avec ceux qui étaient à la pause club, on voit leur rire qui est tout transformé, tout, il est tout bizarre là. On peut le dire aussi, on comptait avoir une voix féminine pour chaque émission et du coup, voilà, on a juste supprimé la voix féminine pour chaque émission. Voilà ce qu'on a réussi. Alors, toi, merci. Ça va. C'est quoi ton pire souvenir à la radio ? C'est quand tu t'es attrapé là, il y a deux secondes ? Ouais, c'est ça ? Exactement. Hein ? Non, le meilleur... non, en vrai, le souvenir le plus marrant, c'est quand on a des stagiaires et qu'ils ont pas apprécié notre travail, mais qu'ils étaient quand même là et c'était super sympa. Ouais, merci. Si nos stagiaires nous écoutent, donc, qui nos étiez-vous ? Nos stagiaires de 3e, j'espère que vous allez avoir votre brevet. Et, voilà. Force à vous. Ah oui, force à ceux qui passent le bac et le brevet. Ouais. Voilà. C'est maintenant. C'est carrément, bientôt, c'est bientôt. Mais LGBT hier. Si quand il fait chaud sur les chaises, là, des salles de cours, là, et hop, ils grattent, ils font 10 pages. On vous conseille de choisir la philo, d'aller qu'en philo. De citer Première Pluie dans vos copies de philo. De n'aller qu'à l'épreuve de philo. Moi, mon souvenir le plus fou, c'est là, alors, on devait je crois que c'est marrant parce que c'est cette émission qui nous revient tous en tête où on a fait deux interviews au téléphone. L'interview de Romain qui nous avait fait faire sa chronique et celle de Joe Spiegel qui était maire de Kingersheim qui venait de rejoindre Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Moi j'étais en retard. Je sortais des cours, j'étais en vélo près de la fac et j'étais au téléphone avec Joe Spiegel. Je lui disais alors, je suis en train d'arriver dans le studio alors que j'étais à 15 minutes, j'avais les doigts absolument gelés, j'avais peur que mon nouveau téléphone tombe. C'est un souvenir monumental et Joe Spiegel m'a entendu faire et slalomer entre les voitures. Vraiment, pour vous, on a pris un maximum de risques et voilà, on est allé chercher les interviews les plus folles. On s'est usé la santé dans le train. Vous l'avez entendu, ça, on est allé beaucoup, énormément à Paris, interviewer des gens, couvrir des événements. On a fait énormément de choses. Ça a été un plaisir immense, ça a été même un honneur. Ça faisait vraiment plaisir. C'est la fin. Je vois qu'il reste une minute avant la fin de cette émission. Il faut la musique aussi. Ouais. Ouais, une magnifique route, on vous souhaite une magnifique nuit, une magnifique soirée. Suivez-nous, on vous aime. Ça fait bizarre de vous laisser. Non. Mais au revoir. Au revoir. Et n'oubliez jamais les heures avant minuit. Compte triple. Au revoir. Au revoir. Non, on peut pas finir sur ça. Au revoir. Such a winner's day. church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You hear the preacher like the call. Allez plus voir ailleurs. Nous sommes première pluie. Cette émission n'est pas une lettre d'adieu, c'est juste une énième lettre d'amour.